Merci pour cette matinée. Ça monte en pression pour le match de ce soir. C'est pas terminé, je crois. Et c'est un peu à cause de vous, Jérôme, je ne vous le cache pas. Allez, on vous retrouve demain avec des bonnes nouvelles, j'espère. Avec grand plaisir, j'espère aussi. À demain. Croisons les doigts. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et bienvenue sur la première radio de France. Bienvenue sur RTL. La main sur le cœur. Mais cela dit, nous sommes pour le partage, donc je peux également attaquer l'émission avec ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est Comme je suis pas complètement abruti, j'imagine que c'est l'hymne belge. Qui s'appelle ? Qui s'appelle l'hymne belge. La bragonsonne belge. Ah oui. Je me posais cette question, bonjour déjà Caroline. Bonjour Bruno, bonjour la France. Est-ce que vous avez des acquaintances footballistiques ? On vous retrouve toute l'année avec Laurent Ruquier dans les grosses têtes sur RTL. Laurent qui est un fan de football, oui, de l'Olympique de Marseille en particulier et de l'équipe de France. Est-ce que vous, vraiment, du fond du cœur, dites-le moi, vous allez regarder le match ce soir ? Alors du fond du cœur, non. Je vais dîner avec une copine, mais il n'est pas impossible qu'on aille draguer dans un bar. Ah, d'accord. En faisant semblant d'aimer le foot, en criant waouh, ah, ouh. Je vous laisserai la perruque. Eh bien, en tout cas, ce matin, nous serons plus Astérix que Tintin, car oui, nous allons défendre les couleurs de la France. Et puisque je parle d'Astérix, une nouvelle fois aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner vos séjours pour partir en famille au parc Astérix. Absolument, un séjour parc et hôtel au parc Astérix. C'est une expérience authentique que vous vivrez en famille ou entre amis. Vous allez découvrir 45 attractions et spectacles irrésistibles. Voilà. Séjour pour 4 personnes, vous avez 4 entrées adultes. Et puis vous dormez là-bas, on vous offre le petit déjeuner, on vous offre le déjeuner. La complète. Vous amusez, la complète. Vous voulez jouer avec nous, c'est simple, le 3210 pour vous inscrire, ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. C'est ce qu'a eu la bonne idée de faire Marilyn, qui attaque l'émission de ce matin. Bonjour Marilyn. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Bonjour. Merci. Bonjour, bonjour. Vous habitez à Dordibes, on est dans le Loiret. On est dans le Loiret. On est à Paris, nous. Oui, je sais. C'est la dame qui est dans le Loiret. Oui, j'ai bien compris. Très bien. On peut lui donner son traitement peut-être un peu plus tôt qu'avant 11h, s'il vous plaît. Hein, c'est toujours compliqué. Elle a bien pris son verre d'eau pour ne pas se déshydrater. Marilyn, vous faites quoi dans la vie ? Et je suis responsable administrative dans la société familiale. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez prévu des vacances ? Vous avez planifié déjà ou pas encore ? Oui, ça y est, c'est prévu. Donc, direction le Portugal cette année. Le Portugal. Voilà, le sud du Portugal. Je regarde, puisque on parle du Portugal au Brésil, on parle le portugais. Et je vois que vous avez fait une escapade brésilienne, Marilyn. Oh, et là, oui. J'ai envie qu'on attaque avec du soleil. J'ai envie qu'on attaque avec du rêve, puisque vous êtes allée à Copacabana. Alors, oui. Deux fois, on a fait le carnaval de Rio et lors d'un de vacances entre amis. Donc les garçons sont partis faire regarder un match au Maracana. Ouais. Et nous, les filles un peu plus courageuses, et on est montées tout en haut de Rio et puis on a pris les deltaplanes et on a atterri sur la plage de Copacabana. Ah, moi, je l'ai fait. J'ai atterri sur le Christ. Ça m'a sur fait le Corcovado. Il vous accueille à bras ouverts, pourtant. Bon, Marilyn, voilà. Vous le savez, vous allez pouvoir gagner le séjour au parc Astérix dont je parlais tout à l'heure, mais il y a également à la clé, pour tous les auditeurs d'RTL, un chèque de 1000 euros à rafler si d'aventure, aux questions que nous allons vous poser, vous donnez 10 bonnes réponses, mais attention, 10 bonnes réponses d'affilée. D'accord. C'est Caroline qui va vous poser les questions. Vous avez une minute, pas une seconde de plus. Et comme je le conseille, si vous avez une petite hésitation, vous savez, ce fameux je l'ai sur le bout de la langue, ce mais bout de langue pas. Peut parfois vous faire perdre quelques secondes. Et je vous conseille dans ces cas-là de passer. D'accord ? D'accord, très bien. Marilyn, top chrono, c'est parti. Quel légume peut être branche ou rave ? Le céleri. Comment appelle-t-on une voiture dont le moteur est à la fois thermique et électrique ? Hybride. Dans le film La Boum, quel acteur interprète le père de Sophie Marceau ? Brasseur. Quelle est la périodicité d'un magazine qui paraît tous les samedis ? Hebdomadaire. Sur quel continent se trouve le fleuve Zambèze ? En Afrique. Quel animateur présente le nouveau jeu Strike sur C8 ? Gaston Lagaffe. Au bac, quelle est la moyenne minimale pour avoir la mention assez bien ? 12. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur ? Les Dors. Quelle sucette glacée porte le même nom qu'un peuple inuit ? Je passe. Quels instruments à percussion les danseuses espagnoles font-elles résonner entre leurs doigts? Les castagnettes. Qui est l'auteur du livre Le Seigneur des Anneaux? Je passe. À l'armée, par quelle couleur désigne-t-on une jeune recrue? Un bleu. Et ça va s'arrêter là-dessus. Et je peux vous dire, Marilyn, avant même que nous passions aux vérifications, qu'il va y avoir de la déception. Ça s'appelle du teasing. Oui, je sais. J'aime bien teaser. Bah, il va y avoir les deux. Il y aura les deux. Vous savez quoi ? Il y aura de la joie. Bah oui. On va revenir sur vos réponses. On va revenir sur vos réponses dans quelques secondes. Mais un petit peu de musique pour vous accompagner cet été sur RTL. Que vous ayez la chance d'être en vacances ou que vous soyez au travail ou que vous partiez au travail. Vous le faites sur le rythme de Phil Collins. You Can't Hurry Love. Antoine Griezmann et les Bleus aujourd'hui. You Can't Hurry Love sur RTL, c'était Phil Collins. Belle matinée sur RTL. Figaro Santé. Alimentation, arthrose, mémoire, hypertension. Les experts du Figaro Santé vous dévoilent toutes les façons d'améliorer sa santé pour vivre mieux. À lire également un dossier spécial vacances pour que voyage rime avec santé et un dossier psycho sur les troubles de l'humeur. Le Figaro Santé, votre magazine santé, disponible chez votre marchand de journaux. Noroto. L'été, pour se rafraîchir, faut bien réfléchir. Et moi, quand on me dit que chez Noroto, l'entretien clim est à seulement 49 euros, bah là, je réfléchis plus. Chez Noroto, l'entretien clim et ses 14 points de contrôle sont à seulement 49 euros. Oui, 49 euros seulement. Ce qui est frais n'est plus à faire. Non, parce que normalement, on dit fait, mais là, j'ai dit frais. Noroto. Conditions sur noroto.fr. C'est quoi le nom de cet arbre, papa? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Votre rendez-vous, jeux et cadeaux tout l'été sur RTL entre 9h30 et 11h avec Marilyn, qui est notre première candidate de la matinée, qui tente de gagner un séjour au parc Astérix. Marilyn, revenons, si vous le voulez bien, sur les différentes réponses que vous avez données à Caroline tout à l'heure. Je vous le disais en préambule, juste avant la vérification, vous risquez d'être un peu déçu, vous allez comprendre pourquoi. Ça a bien démarré le questionnaire, le légume qui peut être branche ou rave, c'est le céleri. Et quand il y a plusieurs céleri raves, on appelle ça... Une rave party, bien sûr. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh non. Vous n'allez pas nous faire de l'humour de fouteux toute la matinée, mon cher Bruno. C'est pas de l'humour de fouteux, c'est de l'humour vegan. Ok, je préfère l'humour de fouteux. Vous avez dit brasseur pour l'acteur qui interprète le père de Sophie Marceau. Ça aurait pu être le père de Claude, mais bon, ça va, on vous le compte. La boum. Mes premiers frissons amoureux sur ce slow. Elle s'appelait Stéphanie. Elle avait un appareil dentaire. Moi aussi. Une minute de baiser. 10 minutes pour se décrocher l'un de l'autre. Pour ne pas enlever les bagues sur les incisives. Et expliquer à ma mère que j'avais eu un problème avec mon appareil dentaire. Que de souvenirs. Stéphanie, je t'embrasse. Bon, des bonnes réponses, vous avez enchaîné. Et puis l'animateur qui présente le nouveau jeu Strike sur C8. Et je sais que c'est dans la précipitation que vous m'avez dit Gaston Lagaffe. C'est Vincent Lagaffe. Ben oui, évidemment. Ah oui. Un prénom qui aurait pu vous coûter presque. Ben oui, alors j'ai eu peur parce que je me suis dit, elle allait enchaîner 10 bonnes réponses et on va passer à côté des 1000 euros. Vous aviez une bonne réponse pour la 8e, mais je ne résiste pas au plaisir de vous mettre un extrait des Doors. Les portes que la direction d'RTL ne manquera pas de nous montrer à la fin du mois d'août. Et vous avez bloqué sur cette sucette glacée qui porte le même nom qu'un peuple inuit. C'était l'Eskimo. Et oui. Et puis le Seigneur des Anneaux a été écrit par Tolkien. Alors, je peux vous dire, Marilyn, que en tant que première candidate, vous effectuez un excellent score puisque je vois sur mon compteur que vous avez cumulé 9 bonnes réponses. Oui. Ah oui. Dans un premier temps, c'est une magnifique montre RTL que vous allez recevoir avec un bracelet bleu, blanc, rouge aux couleurs de l'équipe de France. Merci. Et puis si je vous rappelle à 10h15, ce sera une bonne nouvelle. Ça voudra dire que vous êtes en tête et que vous avez gagné le séjour au parc Astérix. Peut-être rendez-vous tout à l'heure, Marilyn. Ok, merci, à tout à l'heure. Bravo. Vous embrasse. Gros bisous à Marilyn depuis merci, le Loiret. À tous. Et du Loiret à la Bourgogne, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir tout de suite grâce à vous, Caroline. Alors, ça va être un pas à tâtons, hein, puisque si je vous demande où se trouve le Loiret par rapport à la Bourgogne... Alors, je dirais que ce sont deux régions de France. Oui, voilà. C'est un département et une région. Qui ne sont néanmoins pas trop éloignées l'une de l'autre, mais très sympathiques et il paraît très agréable pour y vivre. Et je propose qu'on accueille tout de suite Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît, bienvenue sur RTL. Benoît, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances? Non, c'est un peu trop tôt dans le mois, et puis ce soir, il y a la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez des vacances de prévu? Non, j'ai un petit séjour à Paris au mois de décembre, mais c'est tout. D'accord, et ben vous viendrez nous voir. Nous, on sera en vacances, mais ce sera avec plaisir. Je vais pas vous parler de football, excusez-moi, à part vous demander si vous allez regarder le match. Non, je vais jouer au tarot. Ah, mais je vous adore. Est-ce que vous êtes célibataire? On peut se marier. Un homme qui ne va pas regarder le match ce soir. Je prends votre 06 tout de suite. Vous pensez pouvoir faire mieux que 9 bonnes réponses? Ça va être dur. Mais pas impossible. Pas impossible du tout. Et la preuve, je pense que si vous êtes prêt, et que Bruno l'est également... Moi, je le suis, mais je vois qu'il est fan des années 80, Benoît. Ah, vous voulez lui mettre un peu de musique? J'ai toujours ma petite compile des vieux morceaux qui sentent un peu la naphtaline. Hein. Never gonna let you down. Never gonna run around and hurt you. Et les questions, je vous les poser juste après ça. Belle matinée sur RTL. Bonjour, c'est Michel Simès. Je vous souhaite de passer un super été et bien sûr en très grande forme et de revenir avec une santé de fer. Bravo les Bleus. Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine. Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. En ce moment, avec les copines, on se régale avec le foot. Ah oui ? Mais oui ! Et puis ça nous fait un bon prétexte pour organiser plein d'apéros. Alors il faut absolument que je vous dise, Michel, jusqu'au 22 juillet chez Carrefour Market, le troisième paquet de chips Nature Lay's est gratuit. De bonnes chips bien croustillantes, parfaites pour le prochain apéro. Très bonne idée. Alors bon match entre copines, Michel. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le paquet de 360 grammes, magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Allopneu.com. Goodyear, 120 ans d'innovation, ça aide à rester serein, non ? En courbe, au freinage, sur route sèche ou mouillée, la recherche Goodyear n'a qu'une mission, vous faire prendre la route en toute sérénité. Et jusqu'au 24 juillet 2018, recevez jusqu'à 120 euros en bon d'achat et tentez de gagner un voyage pour 4 aux États-Unis. À vous les grands espaces, valable pour l'achat de pneus Goodyear, conditions et règlements sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Et donc Benoît, qui est notre candidat ce matin. Je vois que vous êtes fidèle lecteur de bande dessinée, Benoît. Oui, oui, enfin, surtout les plus faciles à lire. Les oui, bah, non, si je vous demande à choisir aujourd'hui, qui est une date un peu particulière, entre Astérix et Tintin. Entre le... Astérix. Bah évidemment, ouais. Voilà. La France. Bon, Benoît, je vous pose les questions, une minute. 9, c'est le score à égaler ou à battre. Et puis 10 bonnes réponses d'affilée, c'est un chèque de 1000 euros. Attention, on y va. Dans quelle série se déroule dans le quartier de Wister Lane? Passe. Comment appelle-t-on les marins nordiques qui naviguaient à bord de Drakkar? Les Vikings. Qu'est-ce que la soufrière en Guadeloupe? Un volcan. De quelle couleur était le bonnet du commandant Cousteau? Rouge. Au Monopoly classique, combien de maisons faut-il posséder pour acheter un hôtel? 4. Qui a été la révélation de l'année avec son titre Fête de trop? Passe. Quel animal glougloute? Le dindon. Dans la cuisine italienne, comment s'appellent les hors-d'œuvre? Les antipasti. Quel photographe nous a souvent présenté des paysages vus du ciel? Yann Arcus Bertrand. Quelle matière précieuse peut se former à l'intérieur d'une huître? Une paire de nacre. Dans quel sport le holi est-il la figure de base? Le holi? Pas. Quel produit de salle de bain associe-t-on à la starlette Nabila? Le shampoing. Exactement. Allô, mais allô, quoi. Bon, alors, combien de bonnes réponses, Benoît? Je vous laisse entre les mains expertes de Caroline Diamant. Oui, mes mains sont expertes. La série qui se déroule dans le quartier de Wisteria Lane. Il y avait 5 femmes, toutes plus belles les unes que les autres. C'était Desperate Housewives. Vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, Wisteria Lane. Certainement parce que c'était une série que les femmes ont beaucoup aimée et que j'ai dû regarder plus souvent que vous. Dites ça parce que j'ai un maillot de football. Non, alors attendez, je vous trouve que c'est très bien que vous souteniez la France. Moi, personnellement, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, il se peut que je soutienne la Belgique. La couleur du commandant Cousteau. Quoi? Non, j'ai pas le droit de dire ça. Devant le patron d'RTL, je peux vous dire. Enfin bon, mais non, mais c'est de l'humour, bien sûr. Allons-y. Je soutiens la France. Alors, cette révélation de l'année, avec son titre Fête de trop, c'était cet excellent artiste, Eddie Depreto. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fête, des fêtes, et ça, jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. regarde, je luis de paillettes et me réduis au chaos. Enchaîné par une série de bonnes réponses à tout, et puis tout à coup, le holly est la figure de base de quel sport? Eh bien, figurez-vous que c'est le skateboard, et sans aucun rapport avec le skateboard, nous écoutons un extrait de Big Flo et holly. Excusez-nous, c'est un peu l'humour de notre réalisateur. Et enfin, ben vous avez trouvé que Nabila et son shampoing qui l'a rendu célèbre sont toujours là. Ce qui nous donne, Benoît, un total de 9 bonnes réponses. Une égalité si tôt le matin. J'ai l'impression ce matin que tout le monde est au taquet, ça fait plaisir. Vous êtes donc à égalité avec notre première candidate, Marilyn. Vous serez peut-être amené à être départagé aux alentours de 10h15, sauf Benoît. Eh oui. Si entre-temps, un candidat ou une candidate s'inscrit au 32-10 et donne 10 bonnes réponses et rafle du coup le premier séjour au parc Astérix de la matinée. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous offrir une montre RTL. Merci. Benoît, on vous embrasse peut-être à tout à l'heure. Tout à l'heure, peut-être. Oui. Et je vous offre ainsi qu'à tous les auditeurs d'RTL le premier extrait du nouvel album de Joyce Jonathan. Il va sortir à l'automne. Premier titre, ça s'appelle « On ». Joyce Jonathan, premier extrait de son nouvel album qui va sortir à l'automne, c'était On, à l'instant sur RTL. Belle matinée sur RTL. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Sur la route, on s'arrête toutes les deux heures, ou tous les deux mètres en cas de bouchon. Alors pour les vacances, roulez tranquille. Jusqu'au 13 juillet, les plaquettes Bosch sont à 1 euro. 1 euro pour une qualité équivalente à l'origine. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre soumise à la pause dans les centres auto participants, voire conditions sur feuvert.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, oh là c'est grillé. Pour Lidl ? Pour nous, oui. Demain, pendant les jours XXL, ils mettent le paquet sur les pistaches de Californie grillées et salées. 3,57€ le sachet de 300 grammes, dont 20% gratuit. 3,57€ les pistaches ? Tu veux que je me fâche ? Ah bah non, c'est pas votre genre, patron. Mais c'est le vrai prix, hein. Tu sais quoi ? On bosse vraiment pour des cacahuètes. Mais je sais, patron, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Des rencontres sur Internet ? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Les artistes RTL, la compile avec Maître Gims et Vianney. Sting et Shaggy, Kimber Rose, Louane, Marc Lavoine, Tom Walker, Pink, David Guetta. Les artistes RTL, la bande-son de votre été. Intermarché vous propose d'écouter 11,99€. Bon, qui achète quoi pour samedi soir ? Je prends le champagne. On est nombreux quand même. Écoute, ça me fait plaisir. En ce moment, chez Intermarché, la bouteille de champagne brut Montaudon QVM est à moins 50%, soit 11,99€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Bouteille de 75 centilitres, soit 15,99€ le litre, jusqu'au 15 juillet. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Sur RTL. Votre rendez-vous tout l'été sur RTL pour repartir avec des séjours au parc Astérix. Vous voulez jouer avec nous, c'est simple, vous appelez le 3210 ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Et puis on va jouer aussi avec le hashtag de l'émission. Si vous laissez des messages sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, avec le hashtag RTL Quiz. Deux excellents candidats pour attaquer l'émission de ce matin. On a eu Marilyn, on a eu Benoît. Eh oui, et Marilyn et Benoît sont ex aequo pour le moment. Mais... ils ont accumulé 9 bonnes réponses. Mais il y a Christian. Bonjour Christian. Salut Bruno. Salut Caroline. Ah, salut Bru. Oui, salut. Non, vous n'êtes pas Bruno. Non, Bruno est à côté de non, moi. Non, Bruno, c'est moi. Salut Christian. Salut. Agent d'exploitation des routes, c'est bien ça Christian ? Ouais, c'est ça, c'est bien ça, ouais. Bon. C'est marrant parce que quand on a dit qu'il va y avoir un Christian qui arrive à l'antenne, les filles de cette équipe ont fait ah, comme Christian Grey, comme 50 nuances de Grey. Bah, si, quelques-unes. Non, excusez-nous, on parle pas comme des abrutis, Benoît. Christian, je vois que vous aimez beaucoup les films d'animation et si on parle musique, je voudrais qu'on passe un petit extrait d'une de vos chansons préférées. Johnny Hallyday. Au-delà de nos différences. Johnny Hallyday qui, ne l'oublions pas, est belge. Eh oui. Et du coup, j'ai envie de vous parler football, Christian, forcément. Ouais. Aujourd'hui, difficile de passer à côté de cet événement. La France entière pense au match de ce soir. Est-ce que vous êtes branché football ? Est-ce que vous allez soutenir l'équipe de France, Christian ? Ah oui. On va aller soutenir en fond, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous avez prévu de regarder ça en famille, dans un bar ? On va aller le voir dans un petit stade qu'ils ont aménagé à une télé, enfin un grand écran dedans, et voilà quoi. D'accord. Bon, bah écoutez, dans quelques secondes, Christian, on va vous poser les questions pour le grand quiz de l'été, mais puisque nous parlons de ce match de foot, sachez que dans une demi-heure, nous allons faire quelque chose. Je pourrais dire, ici Paris, les Français parlent aux Belges. Pourquoi ? Car à 10h30, nous aurons une connexion avec nos amis et frères de Bell RTL. et nous ferons une connexion. Bruno, je crois que c'est plutôt 10h15 que 10h30. Ah bah 10h15, bah mais on donnez peut le pas faire. Des faux rendez-vous. On aura rendez-vous avec Bérénice, d'accord, et nous serons en direct sur toute la Belgique, et elle sera en direct sur toute la France. C'est nous dingue. Avons forcément des messages à faire passer. Ce sera donc 10h15 tout à l'heure. Chez Toussalon, c'est le moment de personnaliser votre salon selon vos envies. Rendez-vous vite dans vos magasins Toussalon sur toussalon.fr et profitez de soldes exceptionnels. Toussalon, reposez-vous sur un grand nom. RTL, il est 10h. Les informations avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Un Français et un Belge sont dans un bateau. RTL Mondial 2018. Tous avec les Bleus. France, Belgique, demi-finale de la Coupe du Monde. Coup d'envoi ce soir, Saint-Pétersbourg à 20h. Un match que les Parisiens pourront regarder sur écran géant, place de l'hôtel de ville Adeline Courson. Oui, c'est le cas de Léa et Lison. Ce soir, elles seront devant l'écran géant de 62 mètres carrés. Pas question de rater cet événement. En fait, c'est trop bien en fait, les fan zones pour ça, parce que vraiment, c'est une bonne ambiance. Et tout le monde est là, en fait, on soutient tous la même cause. Tout le monde là écrit, fait, ouais, déjà quand on est devant notre télé, on est au taquet. Tout le monde est avec nous, là, on est tous là pour s'amuser ensemble, quoi. S'amuser ensemble, mais sans alcool ce soir pour cette fan zone. Il n'y aura pas de bière, uniquement des boissons. Non alcoolisés. Alexandre est le manager du bistrot Marguerite, situé sur la place de l'hôtel de ville. Son restaurant est inclus dans le dispositif. Alors avec 20 000 personnes attendues et donc 20 000 clients potentiels, il sait que regarder le match relève du miracle. On entendra ce qui se passera sur le parvis. Ça sera très bien. À chaque huée, bon, on arrêtera à travailler, on regardera l'écran. Dès 18h, le périmètre de sécurité sera bouclé, la circulation coupée autour du parvis de l'hôtel de ville. Près de 1200 policiers sont attendus sur place. Adeline Courson à Paris pour RTL, une demi-finale France-Belgique qui va faire vibrer bien au-delà de l'Hexagone. Il est actuellement 18h à Sydney en Australie. William, expatrié de 27 ans, suivra le match dans la nuit. Il y a une grosse communauté française à Sydney. Pour la demi-finale, ils se sont concertés pour qu'on aille tous au casino en fait. Il y a les écrans géants, etc. Et le match, il sera à 4h du mat. Oui, on a un réveil. Et du coup, on bosse. Pas trop le choix. Après, c'est exceptionnel. Et quand on est à l'étranger, on se sent encore plus français. Ce genre d'événements comme ça qui nous rapproche encore plus de la France. Franchement, ils sont vraiment, c'est une bonne équipe, quoi. Cette équipe, elle est vraiment fraîche, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Allez, les Bleus! William, un Français de Sydney avec Marion Ferrer pour RTL France, Belgique. Un match à suivre dans le monde entier grâce à RTL.fr. Club RTL Mondial pour suivre le coup d'envoi à 20h. Et puis sur le Tour de France aujourd'hui aussi, on n'oublie pas de suivre la demi-finale. RTL, Tour de France 2018. L'étape du jour, Laurent Jalabert avec Jean-Michel Rascol. Rebonjour Laurent Jalabert. Bonjour. On vous retrouve pour la présentation de l'étape du jour, direction le Morbihan. Et oui, entre La Bolle et Sarzeau pour cette troisième étape, une étape longue de 195 km. On part de Loire-Atlantique pour terminer dans le Morbihan. Une étape qui va être magnifique du point de vue des images. Aujourd'hui, la course en ligne reprend ses droits. Après un contre-la-montre qui était très esthétique hier, eh bien, on va retrouver, pourquoi pas, les hommes rapides, des échappés très certainement, mais avec l'envie d'arriver vite, parce que ce soir, il y a un rendez-vous important qu'il ne faut surtout pas manquer. Et ils sont nombreux dans le peloton à avoir envie de suivre ce match. Ça va être rigolo d'ailleurs. Il y a des formations où on a planifié déjà une soirée sympathique, arriver tôt, manger de bonne heure pour pouvoir suivre la partie. La France contre la Belgique, on rappelle que Belge est en jaune aujourd'hui. Alors on espère bien sûr qu'il puisse le garder, mais s'il pouvait nous gratifier de faire second au match de foot ce soir, ça ferait plaisir à Julien Alaphilippe dans l'équipe Quickstep qui est une équipe belge, ou encore à Johan Offredo et Guillaume Martin qui sont les deux seuls Français dans la formation belge ou anti-groupe Gobert. La Belgique en cyclisme, c'est souvent une évidence. Il faut espérer que ce ne soit pas à chaque fois le cas en football. Merci Laurent, bonne journée en jaune. Et en bleu, blanc, rouge. Bonne journée à vous, messieurs Laurent Jalabert et Jean-Michel Rascol. Dans le reste de l'actualité, la piste d'un drame familial privilégié après un incendie mortel dans le centre-ville de Pau la nuit dernière. 5 personnes sont mortes, 2 couples et un enfant de 8 ans. La Bourse de Paris débute en légère hausse ce matin. Une hausse qui se poursuit, plus 0,23%. Le CAC 40 autour des 5410 points. La météo cet après-midi, les nuages vont se décaler du nord vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Partout ailleurs, du soleil et toujours quelques instabilités sur les reliefs. Les températures cet après-midi, comptez 21 degrés au Havre, 25 à Paris, 28 à Nice, 30 à Nantes et 34 degrés à Marseille. Les courses, c'est au Sable d'Olonne cet après-midi. Attention pour le départ du Quintet, le 6 Dominator est non partant. Voici le pronostic de Bernard Glace. Il vous conseille de miser sur le 16, le 9, le 4, le 7, le 14, le 5, le 10. Il est 10h04 sur RTL. Retour du grand quiz de l'été. Bruno, Caroline. Alexandre de Saint-Aignan, merci. Je vois que vous avez un pull avec des rayures blanches et bleues. Une jolie marinière, oui. Il manque les rouges. Venez dans le studio, j'ai un stylo. Ah, j'arrive. Allez, à tout à l'heure, 11h. Et franchement, c'est des émotions incroyables, on va s'en souvenir, c'est incroyable. Surtout nous qui sommes nés en 97. Voilà, on a envie de vivre 98, quoi. Allez, les Bleus ! Tous avec les Bleus sur RTL. Jusqu'au 5 août, c'est le grand jeu RTL de l'été. Jouez avec les animateurs de RTL et gagnez des smartphones dernier cri, des chèques de 1000 euros, des télévisions 4K, des week-ends de détente ou des voyages inoubliables avec Salin Holidays. Inscrivez-vous dès maintenant au 3210, 50 centimes la minute, ou en envoyant été au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Alors rendez-vous tout à l'heure dans RTL vous régale pour le grand jeu RTL de l'été. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites? Ah, du veau, c'est bon! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites? Ah, du veau, j'en veux! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été soyez créatifs autour du barbecue. Bravo le veau! Plein de recettes sur bravolevo.com. Chérie, j'ai craqué! Comment ça? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros? Comment ça, 8 990 euros? Attends, j'ai peur là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500 oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500 et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus EcoFiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et c'est avec grand plaisir que nous allons vous accompagner tout l'été sur la première Radio de France, tous les matins entre 9h30 et 11h. Et ce matin, évidemment, Caroline, c'est une matinée un peu spéciale, c'est une journée un peu spéciale, puisque ce soir à 20h vont s'affronter des frères, des cousins, la Belgique et la France. Et je propose que nous lancions le match dans une dizaine de minutes maintenant, puisque nous allons faire ce que nous avons jamais fait, encore un duplex avec nos confrères de Bell RTL en Belgique, à la seconde près. Nous nous retrouverons animés sur la Belgique et la Belgique se retrouvera animée en France. C'est génial, on parlera à la Belgique en plus de la France. Mais je crois que vous parlez le belge couramment. Je parle, je vais attendre. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais attendre quelques instants. En parlant d'attente, il y a Christian qui est avec nous. Christian ? Oui. Devant nous, il y a le parc Astérix. Les portes de ce parc ne demandent qu'une chose, s'ouvrir devant vous et votre famille. Mais ça va dépendre maintenant des réponses que vous allez donner au questionnaire de Caroline. Je rappelle que nous avons Marilyn et Benoît qui ont joué avant vous, qui ont cumulé 9 bonnes réponses. Il faut donc 9 bonnes réponses pour rester dans la course. 10, ce serait l'idéal, vous êtes sûr de gagner. Et si en plus ces 10 bonnes réponses sont d'affilée, je vous ferai avec plaisir un chèque de 1000 euros. Christian, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Eh bien Christian, top chrono, c'est parti. Comment sont les dés lorsqu'on suppose une tricherie? Pipé. Dans le dessin animé, comment s'appelle le meilleur ami de Scooby-Doo? Je sais pas, passe. En mangeant un navet, quelle partie de la plante consommez-vous? La racine. Comment appelle-t-on familièrement le comptoir d'un bar? Le dingue. De quel film est tirée cette citation? Alors, on n'attend pas Patrick? En Irlande, quel saint fête-t-on le 17 mars? La Saint-Patrick. À quel outil le terme égoïne est-il associé? Inossi. À quel duo d'humoristes doit-on le sketch du train pour Pau? Gad Elmaleh. Quel mot désigne la... Pardon. Quel mot désigne... Pardon, excusez-moi. Quel mot désigne la profondeur d'un soutien-gorge? Le bonnet. En 2001, avec quelle chanteuse Étienne Daho interprète-t-il Comme un boomerang? Dani. Quelle spécialité du Moyen-Orient est une purée de pois chiches à l'huile de sésame? Le tagine. Bon, c'est pas ça, et je pense que la mère Fora ne vous aurait pas accordé la bonne réponse trop tard après le gong. Elle aurait attribué la bonne réponse ou pas la mère Fora? Ça veut dire non, en général. T'es pas complètement open sur le dossier. Bon, alors Christian, on revient sur vos réponses, si vous le voulez bien. Oui. Vous nous avez dit les dépipés, c'est une bonne réponse. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire ma meilleure imitation, je pense. Oh, Samy, fantôme. Le meilleur ami de Scooby-Doo, c'est Samy. Ouais, Samy, ouais. De quel film est tirée cette citation? Alors, on n'attend pas Patrick. Alors c'est on n'attend pas Patrick. Les ch'tis. Les ch'tis, ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Eh ben non, c'est camping, évidemment. Ah oui, j'avais mis le ton, en plus. Bon, alors ça a bugué un peu sur le duo d'humoristes pour le sketch Le Train pour Pau. Moi, j'ai entendu, vous avez dit Las Palais. Ouais, enfin, j'avais dit, je suis honnête, j'avais dit Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh, ça, au départ, bien sûr, mais après, vous m'avez dit que Las Palais. Voilà. Ça m'embête d'oublier Philippe Chevalier, quand même, qui fait 50% de ce sketch. Et donc, la mère Foura me fait signe qu'elle n'accepte pas cette réponse. Ce qui veut dire, Christian, que vous cumulez ce matin 7 bonnes réponses. 7 bonnes réponses, c'est insuffisant pour le séjour au parc Astérix, mais c'est suffisant pour vous offrir une montre RTL que je vous envoie du côté de Clermont. Je vous embrasse, Christian. Eh ben, j'embrasse tout le monde, moi aussi, toute l'équipe. Hein. Merci beaucoup. Merci et bravo à vous d'avoir participé. Vous avez été un bon candidat. Qui est de Marine ou le Benoît pour le séjour au parc? Réponse dans 3 minutes. Premier séjour au parc Astérix à offrir de la matinée. Marilyn, Benoît sont de retour avec nous. Marilyn et Benoît sont à égalité avec 9 points. Et nous vous avons posé, hors antenne, une question pour vous départager. La question était la suivante. Quel pourcentage de Français estime qu'un bon repas doit nécessairement se terminer par une pâtisserie? Marilyn, quelle a été votre réponse? 60%. Benoît, quelle a été votre réponse? 45%. La bonne réponse est de 58%. Marilyn, yes, le parc Astérix vous ouvre ses portes. Oh, merci beaucoup, super. Vous allez partir en famille, vous avez des enfants, Marilyn? Oui, j'ai un petit garçon de 7 ans, il va être trop content. Et je vous confirme que vous allez passer un excellent moment dans le parc Astérix, Caroline. Un séjour pour 4 personnes avec 4 entrées adultes pour 2 jours au parc Astérix. Vous avez une nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux, la Cité Suspendue ou alors un des hôtels partenaires du parc Astérix. On vous offre les 4 petits déjeuners et les 4 dîners et vous pouvez même emmener un copain de votre fils. C'est top. Eh ben génial, merci beaucoup. Marilyn, on vous embrasse. Merci. Bravo à vous. Merci. Dans quelques instants, nous allons à nouveau jouer. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au 3210 pour jouer en direct sur l'antenne d'RTL. Mais aujourd'hui, c'est une journée particulière. L'équipe de France affronte nos voisins de Belgique. Ce sera en direct sur RTL à partir de 20h. Et nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous allons faire un échange, ce que l'on pourrait qualifier d'un échange de bons procédés, entre Belle RTL, la station RTL en Belgique, et RTL, puisque nous allons nous connecter en direct maintenant depuis les studios de Belle RTL. Coupe du Monde 2018, RTL France et RTL Belgique, ensemble pour l'avant-match. Et bienvenue à nous, les champions du monde, les futurs champions du monde. C'est... Bonjour, bonjour Caroline, bonjour Bruno, Caroline bonjour Diamant, Bénice. Bruno, Guillaume, c'est le grand quiz de l'été, c'est sur RTL en France. Mais bon, vous l'avez déjà été, donc vous pouvez nous laisser la voir cette coupe. Bonjour, bonjour Bérénice. Mais vous savez, nous quand on boit un verre avec nos amis, on dit tu vas pas repartir boiteux, je te remets la petite sœur, c'est cette deuxième étoile. Il faut un équilibre sur notre maillot, Bérénice. Non, mais nous, c'est toute la famille, la petite sœur. C'est quoi ? Vous, c'est le petit coup. Nous, c'est carrément les bouteilles, les fûts de bière qui vont couler à flot. Qu'est-ce que c'est ? On voit grand, nous. On voit très, très grand. Oui, elle m'a convaincu, moi. Voir grand, Bérénice, en gagnant contre le Brésil, vous avez quelque part déjà remporté votre finale. Puisque... Comment ils sont, vous êtes méprisant, Bruno. Alors là, je suis désolé. Bruno, oui. J'ai des preuves. Vous savez que la personne qui est juste à côté de vous, charmante, blonde, joyeuse et tout, j'ai des preuves par écrit, va soutenir les tricolores noir, jaune, rouge. Parce que Caroline a un petit faible pour le nord de notre pays, pour les Flamands. Voilà, donc elle s'est mise aux Flamands aussi. Voilà. Elle connaît des insultes, oui, Bruno. Le problème avec Caroline, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre le golf, le water polo, le rugby, le football. Donc elle ne sera pas vous soutenir. Non, mais je fais très bien la différence entre mes deux mains. Il y en a une des deux qui va finir dans votre visage. Et surtout, Bérénice, je vois la fierté de ce peuple belge face à ce match de ce soir. Mais je sais qu'au fond de vous-même, vous avez peur. Vous êtes stressé. Et d'ailleurs, si un représentant musical de votre pays devait chanter ce matin, si Stromae devait chanter, il changerait ses paroles et il chanterait ceci. Alors on tremble. Comment ils osent ? Alors on tremble. Vous voulez que je vous dise un truc ? Écoutez. Qui dit attaque dit Kylian, et en attaque il marque des buts, il porte les couleurs de la France, mais il y a aussi leur défense, avec Varane ou bien Kanté, les Belges on est bien bon, dans la merde. Arrêtez. Puis il y a Grisou qui est un vrai boss, et puis Giroud qui est tout en force. Belgique, oh ça va, ça va, moi je trouve ça petit. On chantera la Bragançonne, on la veut bien cette Coupe du Monde, l'ont déjà, ce serait un comble, faut que nous les Belges on se réveille, faut qu'on fasse des merveilles, mais devant la France va y avoir des problèmes, alors on tremble. Mais n'importe quoi, jamais entre. Vous voulez que je vous donne un signe ? Écoutez-moi bien. Le Tour de France. Qui a le maillot jaune ? je vous le demande. C'est Greg Van Avermaet. Et il est quoi, Greg ? Il est belge. Et bien ça, donc, c'est un signe. Et vous pensez vraiment que les journaux belges demain pourront titrer et sur le Tour de France et sur la Coupe du Monde ? Eh bien non, Bérénice. Ils choisiront le vélo. Bon, je suis fair play. Bon courage à vous, que le meilleur gagne ce soir. Évidemment, nous aussi, mais vive les diables. On vous embrasse, Bérénice. À bientôt. Et vive la France. Allez, vive la Belgique aussi qu'on aime. Oh merci Caroline, merci. Allez, 10h18, retour en France pour tous nos compatriotes et pour le quiz de l'été 32-10. On joue juste après ça. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Conforama, le confort pour tous. Quand on négocie moins 50% sur l'ensemble Mérinos Trio 140 cm, matelas, sommier et deux oreillers à 459 €, on pense à tous ceux qui exigent la qualité. À prix douillet, Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Leclerc. Chérie, pour le match de foot, on va être une dizaine. Ah ouais, quand même. Non mais t'inquiète pas, je gère. Je suis sur www.traiteur.leclerc. Regarde-moi ce choix. Waouh, tout ça. Eh ouais, de l'apéritif au dessert, je crée, je commande et je retire mon repas tout près dans le magasin de mon choix. choix. Fais voir le plat là. Oh, j'adore. Pour toutes les occasions, profitez du service traiteur Leclerc. Voir modalités et magasins sur www.traiteur.leclerc. Des copains, bon repas, rien à faire. Je vais peut-être rester pour le foot, moi. Bah voilà, on est 11. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, je suis Clément Leuillet, franchisé Bureau Vallée à Brie-Comte-Robert. Retrouvez tous nos prix d'été pour la rentrée. Par exemple, le lot de 5 bâtons de colle scotch 8 grammes est à 1,69€ TTC seulement. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 14 juillet 2018. Magasin participant sur bureau-vallée.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. 10h19, bienvenue sur RTL. Le grand quiz de l'été va vous permettre de repartir ce matin avec un séjour au parc Astérix. Mais pour l'instant, découvrons ensemble le nouveau MC Solar. Il s'appelle Aiwa, il est sur RTL. Le jour se lève, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sur les plages à Rio, des gojos au ballon. Tandis qu'à Sao Paulo, ils font des 11 contre 11. Plus de bons, transat avec des gonzes. Et le comité olympique donne les médailles de bronze. Je veux le bail, amphithéotique. Et l'entité juridique de type géopoétique. Hier encore, c'était Paula en polar. Là, c'est short, polo, maillot et la crème solaire. C'est le grill, G-R-I-L-L. Love, ladies love LL. J'bulle, je B-U-L-L. Chill, C-H-I-L-L. Sur la plage en bas de la vallée, défait les cavales et les filles au volet se font des 5 contre 5. S-match, pendant ce temps je pointe, Faubourg Saint-Honoré numéro 55. C'est le chic, anacréontique, de la street antique à l'art géopoétique. Au Québec, c'est la gousse ou la polar. Et t'es tout comme hiver, faut la crème solaire. Journée de rêve, ça c'est le soleil. Rayon dans l'œil, ça c'est le soleil. Le gel est mort, ça c'est le soleil. Le désert avance, ça c'est le Sahel. Sous le soleil, flash, je vois des fiches et puis des bobos. On m'a dit de fermer ma go. Le ton monte, les requins sont marteaux. Je quitte H2O pour la calypso. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la ville est belle. Regarde comme la fille est belle. Quand elle danse sous le soleil. Regarde comme la vie est belle. Regarde comme la vie est belle. Ça sent l'été, hein. C'est le nouveau MC Solar sur RTL. Ça s'appelle Aiwa. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et tout de suite, après ce beau séjour que nous avons offert à Marilyn, notre gagnante, nous allons tout de suite jouer avec un nouveau candidat qu'on accueille. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Une candidate, donc, et non pas Dominique au masculin. Comment allez-vous, Dominique? Très bien, et vous? Mais écoutez, fort bien. Est-ce que vous avez déjà des vacances prévues? Oui, ça pour la fin du mois, oui, tout à fait. Ouais. Bon, sur alors, la côte atlantique, bien. Écoutez, je vous souhaite de les accompagner d'un petit séjour au parc Astérix. Ce sera encore mieux. Ben oui, on ne connaît pas en plus. Tout alors, je vois que vous aimez beaucoup, beaucoup les grandes voix d'opéra, n'est-ce pas? Oui, et la calasse, oui. Alors, c'est quelque chose, oui. Mais... Non, en fait, je vous explique, Dominique, vous savez, comme chaque année, nous arrivons pour faire le grand quiz de l'été avec la délicieuse Caroline. Nous faisons connaissance avec les standardistes d'RTL qui, pour la plupart, sont des étudiants et qui, l'été, viennent travailler, prennent de leur temps pour venir travailler ici. Et je voudrais les saluer. Mais c'est vrai qu'après, musicalement, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Hier, par exemple, un auditeur avait dit qu'il était fan de Dépêche Mode et les standardistes nous avaient dit « Ah, bah, ils adorent le rock français ». Et donc là, je vois que vous êtes fan, avec Caroline qui n'en pourra plus de rire, je vous l'annonce, vous êtes fan de La Calache. D'accord. Et donc, on s'est demandé avec Bruno, est-ce que c'est un groupe de rap ? Tiens, Maria, et après, La Calache. Non, mais Calache, c'est un groupe. Mais là, évidemment, c'était par rapport à La Calasse. Et donc, La Calasse. Oui, bah, cette grande cantatrice qui chantait avec une Kalachnikov. Voilà. Que tout le monde connaît bien. Ah, La Calache. C'est magnifique. Comme quoi, vous voyez, on n'a même pas besoin de chercher les blagues grâce elles se font toutes seules, voilà. Grâce à nos standardistes, elles se font toutes seules. On adore Maria Calache. Faut pas me perturber comme ça. Ah ben non, ça vous détend, vous allez être toutes détendues. Et comme ça, je vais vous passer discrètement, je vais vous laisser aller entre les mains de Bruno. Et Bruno, bonheur. Ah bah écoutez, je n'ai pas encore goûté, c'est pour ça que je reviens chaque année. Mais ça dit ce côté gaffe des standardistes et qu'on peut faire nous à l'antenne, ça n'est pas sans vous rappeler Pierre Richard que vous avez rencontré. Dominique. Ça c'était génial et vraiment fugace et improbable. Et j'ai trouvé ça génial. Mais ça s'est passé comment ? Je suis allée nettoyer ma voiture dans les rouleaux, vous savez. Oui, je vois très bien. Voilà. Oui. Voilà. Donc après, on va aspirer sa voiture plus loin. Je me suis garée à côté d'une voiture. C'est un aspirateur que vous avez utilisé pour aspirer la voiture. Oui. Et donc à côté, Pierre Richard avait sa voiture. Mais sans savoir, non, il aspirait. Il aspirait sa voiture et sa portière me bloquait le passage. Donc j'ai demandé si je pouvais fermer la portière et un monsieur qui était en train d'aspirer me dit oui, vous pouvez la fermer. C'est tout, j'ai refermé la portière, j'ai aspiré ma voiture, je suis partie. Puis sur la route, je me suis dit mais merde, pardon, mais c'était Pierre Richard. Vous savez quoi, je peux vous dire que de toutes les anecdotes qu'on a pu avoir sur Pierre Richard, par rapport à sa filmographie, ses rencontres, je pense que vous venez de nous donner l'anecdote dont tout le monde se souviendra. Et le jour où Pierre Richard, et j'espère le plus tard possible car j'adore cet acteur, rejoindra le royaume des cieux, je peux vous dire qu'en ouverture de journal sur RTL, nous attaquerons avec cette anecdote devant les rouleaux. Et Pierre Richard qui aspire sa voiture. C'est ça. Ah ouais. Mille merci Dominique. Il n'y a pas de quoi. Bon allez Dominique, trêve de plaisanterie. Je vous pose les questions pour gagner le séjour au parc Astérix juste après ça. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Ravi de vous retrouver tout à l'heure pour un nouvel été d'RTL vous régale. Chaque jour, de 11h à 12h30, en compagnie du globe-trotteur Jean-Sébastien Petit-Demange et de la cuisinière Loana Belmondo, nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs. Puis surtout, on va se régaler. RTL vous régale, présenté par Jean-Michel Zeka, c'est tout à l'heure à 11h sur RTL. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit « Chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. » Bon, je lui ai dit « T'as mal compris ?» Elle m'a dit « Si. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « 4 300 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. » Elle m'a dit « Si. » J'ai dit « Non. » Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine. Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. C'est quoi le nom de cet arbre, papa ? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc, Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et Dominique, tu vas tenter de gagner un séjour au parc Astérix. Une minute elle de question. Tenter. Ben oui, mais il va falloir vous donner un maximum de bonnes réponses. Vous ne savez pas, okay. Vous passez. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, c'est avec grand plaisir que je vous ferai un chèque de 1000 euros. D'accord ? Ok, ben oui. Ok, ça marche. Dominique, top chrono, c'est parti. Quel trophée récompense le meilleur film lors du Festival de Cannes ? La Palme d'Or. Au Maroc, quel ragoût porte le nom du plat dans lequel il est cuit ? Tagine. De quelle couleur sont les yeux de Belinda, chantée par Claude François ? Bleu. Quel nom de céréales désigne l'argent en argot ? Passe. Combien y a-t-il de roues sur un quad ? 4. Quel cadeau Thérèse offre-t-elle à Pierre dont le Père Noël est une ordure ? Un pull informe. De quel pays est originaire la musique mariachi ? Mexique. Qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame ? Un œuf. Quelle Miss France a fait partie de l'aventure des Highland Célébrités sur M6 ? Je ne sais plus. Quel type d'armes sont Durandal et Excalibur ? Des épées. Quel célèbre détective habite Baker Street ? Sherlock Holmes. En France, quelle fleur symbolise la royauté ? Le lys. Dans quel terme désigne-t-on le côté droit d'un navire ? Tribord. Et tribord sur le fil, c'est en effet une bonne réponse. Y en a-t-il beaucoup d'autres de bonnes ? Eh bien, nous allons tout de suite prendre connaissance de vos bonnes réponses et mauvaises avec Caroline. Effectivement, à Cannes, cette belle cérémonie, on remet une palme d'or à des films mythiques plus ou moins. Effectivement, c'est le tagine qu'on goûte au dans lequel cuit un ragoût. Bref. Alors, les yeux bleus de Belinda, chantés par Claude François. Elle a des yeux bleus, Belinda. Belinda. La céréale qui désigne l'argent en argot, c'est le blé. Mais ça venait pas. En revanche, ce qui vous est très bien revenu très vite, c'est le beau cadeau que Thérèse offre à Pierre. Oui. Dans le Père Noël est une ordure. Puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi ? J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas ? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh! Ah! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse! Je suis ravi, écoutez! Non, Pierre, c'est un gilet! Ah oui? Ah, ben bien sûr! Ah, ben alors, bien sûr, c'est un gilet! Il y a des trous plus grands pour les bras! Alors! Je me disais justement hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. J'allais dire serpillière au départ, mais je dis que c'est pas facile. Eh oui! Effectivement, c'est un œuf au plat qu'on rajoute à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame. On ne saura jamais pourquoi, avec des œufs au plat, le croque-monsieur devient croque-madame, mais bon, madame. C'est l'usage. Et cette célébrité, cette Miss France qui a fait partie de l'aventure The Island, célébrité. Camissaire, absolument. Et puis sinon, écoutez, je vais vous dire bonne réponse. Franchement, vous avez mis la barre très haute ce matin. Oh, j'ai peur. Ah non, quand la barre est haute, il n'y a pas besoin d'aspirer. C'est bien. Oui, mais on fait tellement de belles rencontres. Vous avez cumulé, cher Dominique, 11 bonnes réponses. Non. Et si. 11 bonnes réponses. Est-ce que ce sera suffisant pour le séjour au parc Astérix ? C'est possible, mais d'autres candidats vont venir nous rejoindre en appelant le 3210. D'ici là, en tout cas, je vous offre une montre RTL. Oh, c'est gentil. Merci. Dominique, peut-être à tout à l'heure. Merci. Et à 10h32, je le disais, oui, la France joue ce soir contre la Belgique. Et oui, nous soutenons l'équipe de France, mais oui. À l'instar de ce que je disais tout à l'heure à Beren Rhys, notre consoeur de Belle RTL, puisque nous étions en direct avec la Belgique, les Belges sont nos frères, sont nos cousins, et regardez, dans un souci d'apaisement, j'ai décidé de passer une artiste belge. Et on dira que je suis fermé d'esprit. Sensualité. Axel Red, rouge comme les diables belges, tout de suite sur RTL. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en me surlant.

Et Dominique et ses 11 points est pour l'instant en tête. Ça dépend de vous. C'est Caroline qui va vous poser les questions. D'accord ? D'accord. Vous essayez d'enchaîner un maximum de bonnes réponses. 10 bonnes réponses d'affilée, en plus un chèque de 1000 euros. On y va ? Ça marche. Top chrono, c'est parti. Quelle botte montante et pointue est associée à l'image des cow-boys et des rockers ? Une cuissarde. Quelle réunion conviviale conclut systématiquement les aventures d'Astérix ? Un banquet. Comment appelle-t-on un appartement sur deux étages ? Un duplex. À qui doit-on l'album Oxygène en 1976 ? Jean-Michel Jarre. Traditionnellement, quel alcool parfume le cannelé bordelais ? Du rhum. Quelle pâte un vitrier utilise-t-il pour fixer les vitres aux fenêtres ? Je sais pas. Quel animateur a repris l'émission Le Divan sur France 3 ? Marc-Olivier Fogiel. Dans quelle ville peut-on visiter la cathédrale Sagrada Familia ? À Barcelone. Quel objet Aladdin doit-il frotter pour voir apparaître un génie ? Une lampe. Sur quelle île peut-on visiter le musée Bob Marley à Kingston ? Jamaïque. Quel est le prénom de l'actuelle première dame des États-Unis ? Je ne sais plus, je passe. Quel signal sonore annonce au boxeur le début et la fin d'un round ? Le gong. Et c'est le gong de la fin. Est-ce qu'on le prend ? Nerfoura, le gong. Ça veut dire oui. Et vous l'avez donné bien après le gong pour l'instant, cette réponse. Alors, cher Franck, oui. La botte montante et pointue associée à l'image des cow-boys et des rockers, est-ce que vraiment vous imaginez Francis Lalanne dans Il était une fois dans l'Ouest ? Moi, je pense qu'il a pensé tellement fort à Francis Lalanne. C'était la fin de Jacques, bien sûr. Mais... Eh bien oui, puisque vous avez dit la cuissarde. C'est vrai que la cuissarde, oui. On pense à Francis, qui est d'ailleurs un fervent supporter de l'équipe de France de football. Voilà, c'est ça qui m'a perturbé, ouais. Mais... c'est la Santiago que j'attendais comme réponse. Bonne réponse pour cet album sorti en 1976 et que l'on doit au génialissime Jean-Michel Jarre, Oxygène. Quelle pâte un vitrier utilise-t-il pour fixer les vitres aux fenêtres ? C'est le mastic. Ah oui. Marc-Olivier Fogiel, vous l'avez. Aladdin frotte une lampe pour voir apparaître un génie. On est dans la nuit, mille et une folies. Un samedi d'amour, plus chaud à minuit qu'au soleil en plein jour. Et la femme de l'actuel président des États-Unis s'appelle Melania Trump. Cela nous donne 9 bonnes réponses. Ah, tant pis. Insuffisant pour le séjour au parc Astérix. Beau score néanmoins. Mais beau score néanmoins, ouais. Qui vous permet de repartir avec une montre RTL. Bravo Franck, même si c'est merci pas suffisant. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis merci de votre accueil. Et ben vous savez, on vous en prie et vive la France. On dit allez oui, les bleus. Allez les bleus. Au revoir Franck. Merci beaucoup, au revoir. Bon, 10h45. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'appeler le 30 de 10. Ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Ou bien vous tweetez, vous instagrammez avec le hashtag RTL Quiz. Et que va-t-il se passer ? Vous allez vous retrouver en direct sur l'antenne d'RTL avec Caroline, avec moi-même. Et vous serez le dernier candidat de la matinée pour partir au banquet d'Astérix. Le parc Astérix est pour vous, il vous tend les bras, on joue juste après ça. Belle matinée sur RTL. Des rencontres sur Internet ? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah, du veau, fait bon. Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah, du veau, j'en veux. Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été, soyez créatifs autour du barbecue. Bravo le veau. Plein de recettes sur bravolevo.com. Bonjour, je suis Sylvie Geoffroy, franchisée Bureau Vallée à Rambouillet. Avec le destructeur Fellows 60CS, réduisez vos documents confidentiels en confettis. Un indispensable à 84,90€ TTC, avec 15€ remboursés en différé par Fellows. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 14 juillet 2018. Conditions du remboursement et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Peugeot, leader des SUV en France. Partez au volant d'un SUV Peugeot. Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact aussi à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologie agile sur tous les terrains. Ou le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable. Cet été, profitez d'une reprise de 3 000 € en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Leclerc. Chérie, avant de partir en vacances, je passerai bien chez Leclerc qu'on s'occupe de la rentrée scolaire de Thibaut. Bah oui, bonne idée. Ils ont des sacs à dos emoji ou smiley de toute beauté à moins de 19€. On va peut-être voir ça avec lui. Ok. Thibaut ! Du 10 au 21 juillet chez Leclerc, le sac à dos emoji ou smiley est à seulement 18,90€. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Comme ça, la rentrée scolaire, c'est fait. Et quand tu pars en vacances, t'es complètement en vacances. J'ai hâte. Bravo les Bleus. Pour fêter leur beau parcours, chaque jour de match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire des Bleus de 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Oui, 5 millions d'euros sur la course du Quintet Plus. Alors à vous de jouer. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Ah Caroline, au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid, il scrutait la salle, le trois quarts roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, les Mauguassins Nibuloni. Dès qu'il passait Cameo, Midnight Star ou Oliver Cheatham, tout le monde dansait. Le Mia. Out of school. Get down Saturday night. J'ai le rythme dans le sang. Et comme je dis souvent, j'ai une très mauvaise circulation, c'est pour ça que je danse mal. Oliver Tchétam à l'instant sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Dernier candidat de la matinée, accueillons grâce à vous, Caroline, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Caro, bonjour Bruno. Bonjour Jean-Claude. Salut JC. Bonjour. Ah bah oui, vous m'appelez Caro, alors on se connaît. Bon matin là. Parce qu'après, il y a des auditeurs qui vont dire non, on se connaît pas avec Jean-Claude, mais on est déjà très proches. Vous habitez Nage et Solorgue dans le Gard. C'est ça, près de Nîmes. Près de Nîmes. Voilà, dans le Gard. Très joli. Pas loin d'Alès. Voilà, c'est ça. Saint-Geniès-des-Malgoires, etc. Mais oh là là, il connaît la région, Bruno. Mais oui, c'est tout près, effectivement. Après, quand on est en voiture et qu'on se balade, on peut passer partout. Alors, vous avez une petite anecdote à nous raconter. Visiblement, vous avez un homonyme dans le village où vous habitez. Oui, donc c'était une ancienne ville où j'habitais. Effectivement, j'avais un homonyme qui habitait à une cinquantaine de mètres. On portait le même nom, le même prénom, la même orthographe. Et donc, on avait de gros problèmes de courrier. Donc, ceci, c'était pendant mon adolescence. Et puis après, plus tard, donc j'ai emménagé dans le centre-ville. Et mon illustre homonyme est venu habiter à 30 mètres de chez moi. Et puis, pour couronner le tout, eh bien, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, il a rencontré son épouse qui habitait au 8 rue Jean Moulin. Et c'était votre femme. Et moi, j'ai rencontré la mienne au 4 rue Jean Moulin. D'accord. Mais voilà, on ne se quittait plus. Et jusqu'au jour où j'ai émigré vers la région nimoise et lui, apparemment, est resté sur la région bagnolaise. Bon, en tout cas, ce matin, c'est bien vous qui allez jouer, Jean-Claude, et non pas votre homonyme. Et c'est à vous qu'il incombe de répondre aux questions que je vais vous poser. Je rappelle que Dominique, tout à l'heure, a donné 11 bonnes réponses. Donc, il faut au moins 11 bonnes réponses pour tenter de gagner le séjour au parc Astérix. 10 bonnes réponses d'affilée, vous gagnez un chèque de 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Bruno. Top chrono! Quel nom désigne un restaurant italien simple et sans prétention? Trattoria. Quelle couleur attribue-t-on à une nuit sans sommeil? Blanche. Dans la série de dessins animés, quel animal essaye d'attraper Bip Bip? Le coyote. En quelle année sont prévues les prochaines élections présidentielles? 2022. Quel est l'instrument de prédilection de Manu Katché? La batterie. Quelle fleur capricieuse a poussé sur la planète du Petit Prince? Je passe. Dans quel film Louis de Funès est-il plongé dans une cuve de chewing-gum? La foulée des grandeurs. Quel légume est appelé chicon en Belgique? L'endive. À quel humoriste doit-on les sketchs Bonne Fête Paulette et Carton Rose? Je sais pas, Foresti, mais c'est pas ça. Combien de tournois de Roland-Garros Raphaël Nadal a-t-il remporté jusqu'à présent? 11. Comment s'appellent les petits états qui composent la Suisse? La Confédération Helvétique, les cantons. À quelle chanteuse doit-on les titres L'Indien et L'Amour en solitaire? Je sais pas, je passe. Juliette Armanet. Eh oui. Allez, on revient sur vos réponses juste après ça, Jean-Claude, ne bougez pas. Okay. Belle matinée sur RTL. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec la Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. Conforama, le confort pour tous. Quand on négocie moins 50% sur l'ensemble Mérinos Trio 140 cm, matelas, sommier et deux oreillers à 459 euros, on pense à tous ceux qui exigent la qualité. À prix douillet. Conforama, jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Et vous? C'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito, la seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. En ce moment, avec les copines, on se régale avec le foot. Ah oui ? Mais oui ! Et puis ça nous fait un bon prétexte pour organiser plein d'apéros. Alors il faut absolument que je vous dise, Michel, jusqu'au 22 juillet chez Carrefour Market, le troisième paquet de chips Nature Lay's est gratuit. De bonnes chips bien croustillantes, parfaites pour le prochain apéro. Très bonne idée. Alors bon match entre copines, Michel. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le paquet de 360 grammes, magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et Jean-Claude qui a répondu à mes questions tout à l'heure. Quelques petites erreurs pour vous, Jean-Claude, sur lesquelles Caroline va revenir. La fleur capricieuse qui a poussé sur la planète du petit... Pas de soucis. À vos souhaits. La fleur capricieuse qui a poussé sur la planète du petit prince. C'est la rose. C'est la rose, exactement. Ben oui, ça m'est pas venu. C'est que dans ces cas-là, hop, moi c'est ça, c'est une cordée, hop, je l'aide, je vois qu'elle glisse, je l'aide. Le film avec les chewing-gums, c'est Rabbi Jacob, bien ben sûr. Oui, Rabbi Jacob, ouais. Il y avait une autre petite erreur, oui, je crois. Oui, l'humoriste à qui l'on doit les sketchs Bonne Fête Paulette et Carton Rose. C'est Guy Bedos. Guy Bedos. Ah, c'est Guy Bedos, je ne savais pas. Jean-Claude, 8 bonnes réponses. C'est insuffisant pour le séjour, mais ça vous permet de gagner une montre RTL. Je vous embrasse, Jean-Claude. Eh bien, merci Bruno, merci beaucoup, merci RTL. Et je félicite Dominique qui a joué avec nous tout à l'heure. Dominique ! Oui, je suis là. Vive la calache ! Le séjour oui, la au parc Astérix. Et pour vous, vous allez partir avec 3 personnes. La nuit sera à l'hôtel Les Trois Hiboux, la cité suspendue, ou dans un des hôtels partenaires d'ailleurs. On s'occupe des 4 petits déjeuners et 4 dîners. On vous embrasse. Oh, c'est sympathique. Je vous embrasse aussi très très fort. Merci, félicitations. Merci beaucoup, à très bientôt. Mais pour l'instant, je voudrais saluer Jean-Michel Zeka. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous mon cher Bruno? Oh, je vois. Bonjour votre Caroline. Maillot. Salut Jean-Michel. Ah, vous l'avez vu le... Je le vois, il vous plaît? Belge, je le vois. C'est joli ce rouge, hein. Et c'est vrai que... C'est un peu voyant. Le maillot bleu que je porte aujourd'hui, oui. De Giroud, a été porté. Vraiment par Olivier Giroud. Oui, c'est la raison pour laquelle la prochaine fois prenez-le à votre taille. On commence à chambrer dès le matin. Allez, ça va. Le plus belge des animateurs d'RTL va vous accompagner à partir de 11h. Ce sera RTL. Vous régale. Bonne journée, Jean-Michel. Merci, on vous embrasse. À demain, les amis. Bruno, tu sais qu'il, lui, il a le maillot marqué Zeka derrière. Hein. Ouais. Oui, mais ça, c'est une autre chose. De tous les peuples de la Gaule, G-O-A-L, ouais. Les Belges sont les plus braves. Allez, c'est quoi en or?